بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc nous continuons avec notre livre Mu'taqad al-Sunna wal-Jama'a fi Tawhid al-Asma wa-Sifat. Donc nous sommes au cours numéro 2 et nous allons voir Ta'rif al-Salaf, c'est-à-dire la définition du mot Salaf Salih, ainsi que les gens de la Sunna et du consensus. Donc Salaf, dans la langue arabe, qui est le pluriel de salif. Donc c'est le pluriel de salif. C'est-à-dire al-jama'a al-mutaqaddimun. Le peuple ou le groupe, les gens qui étaient avant nous. Le salaf, c'est tout ce qui était, c'est tout ce qui est mutaqaddim, tout ce qui est avant. Donc les pieux prédécesseurs. Lorsqu'on dit salaf salih, on signifie les pieux prédécesseurs. Donc ce sont les peuples qui sont déjà donc passés auparavant. Et on retrouve donc ce mot dans le dictionnaire. On le retrouve dans plusieurs lexiques, dans les livres de hadith ou autres, et aussi dans les paroles des compagnons du prédécesseurs, parmi eux Ibn Taymiyyah ou l'imam Zahabi ou autres. Donc c'est une preuve que le mot salaf était déjà utilisé même auparavant, contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes, en disant qu'il ne faut pas s'appeler salafi. Salafi, c'est une nisba, c'est le fait de s'apparenter à la salafia, le fait de vouloir être comme les plus prédécesseurs dans le dogme, la croyance, la parole et l'action. Et lorsqu'on dit salaf salih, les plus prédécesseurs, donc on veut dire par cela que on va retrouver donc chez les savants plusieurs définitions différentes. On va retrouver chez les savants plusieurs définitions différentes. Et parmi ces définitions, c'est que certains se sont arrêtés aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit que salaf salih, ce ne sont que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ridwanullahu alayhim. Et d'autres ont dit que ce sont les sahaba wa tabi'un, que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la génération qui les succède, ceux qui viennent juste après eux. Et d'autres ont dit aussi que ce sont les sahaba, les tabi'un, ou les tabi'u tabi'in, c'est-à-dire les compagnons et la génération qui les succède, ainsi que celle qui vient après. Donc trois générations, l'une après l'autre. Et la parole qui est à retenir chez Jamul al-Ulama, donc chez la majorité des savants, parmi les gens de la sunna et du consensus, c'est que salaf salih, ce sont donc les trois générations qui ont été donc vantées et louées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été désignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a bien sûr dit que les meilleures générations donc sont celles avec laquelle j'ai été envoyé, c'est-à-dire celles où j'ai été envoyé, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Les salaf salih, donc, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tabi'in, et tabi'u tabi'in. Et aussi tous ceux qui vont suivre ces trois générations dans leur façon de faire, dans leur vie, dans leur attitude, dans leur croyance, peuvent être appelés donc communément salafis. Donc ils peuvent être appelés ou désignés comme salafis. C'est une appartenance à la salafia. Et la salafia, c'est une voie. C'est une voie avec laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que la voie de ceux qui les ont succédés, comme tabi'in wa tabi'u tabi'in. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, les a mentionnés dans cela. Et ceux qui les suivent, donc cette voie va rester jusqu'au jour dernier. Cette voie va rester bi'idhnillah azza wa jal jusqu'au jour dernier. Il y aura toujours des gens qui vont suivre ces le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui viennent après, et aussi ceux qui viennent encore après. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura toujours un groupe dans ma communauté qui sont clairvoyants dans la vérité, ne leur gêne pas, ne leur cause pas tort ceux qui les trahissent, ou bien ceux qui, c'est-à-dire viennent à avilir cette religion, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala vienne à amener son ordre, c'est-à-dire le jour dernier. Donc il est permis, bien sûr, de s'apparenter à la voie des pieux prédécesseurs, mais avec condition. c'est pas juste une parole, c'est pas juste donc une appartenance qui va être tout simplement prononcée avec la bouche, alors qu'on ne va pas avoir des actes qui vont prouver cela. Il faut des actes pour prouver cela. Et parmi ces qawaïd, parmi ces règles du manhaj salafi, premièrement, c'est donc de regrouper les textes du Coran et de la Sunna en y comprenant ses sens. En y comprenant, donc il y aura une compréhension, la compréhension de ses sens. Donc c'est comprendre les textes à partir du Coran et de la Sunna. Et cela va être restreint ou va être, c'est-à-dire compris à partir des grands savants, à partir donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les suivent et ceux aussi qui les ont suivis. Parmi donc ceux qui ont compris l'essence du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on va comprendre cela? Comment les savants sont arrivés à comprendre, donc les plus prédécesseurs, comment sont arrivés à comprendre comme il le faut le Coran et la Sunna? C'est que petit un, ils ont bien sûr fait, ils ont donc émis des efforts d'interprétation pour connaître le vrai du faux. Ils ont émis des efforts d'interprétation afin de pouvoir connaître et de pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai, authentique, et ce qui est faux et vain. Petit b, c'est qu'aussi ils ont émis des efforts d'interprétation afin de pouvoir comprendre l'essence, afin de pouvoir comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a voulu dire. Troisièmement, c'est qu'ils ont mis en application, ils ont mis en application tout ce qu'ils ont connu. Et ça, c'est l'istiqama, donc la droiture. C'est la droiture, ils se sont bien sûr, ils sont restés constants dans ces œuvres religieuses, que ce soit du point de vue du dogme, ou du point de vue aussi de la compréhension, du point de vue aussi du comportement, de l'attitude, de la parole et autres. Petit 4, c'est qu'ils ont appelé, donc ils ont appelé et invité les gens à revenir à cette voie par la langue et par l'écriture, par donc le parler, par la langue, le fait d'exhorter les gens, et aussi par les récits, par l'écriture, par le fait d'écrire des livres et autres. Donc celui qui va donc être assidu en respectant ses règles, celui qui va respecter ses règles comme il le faut, donc fera justement partie, peut être appelé communément salafi. Il peut être appelé salafi car il aura justement bien sûr été comme cela. Il y a des preuves qui nous montrent qu'il faut obligatoirement suivre les pieux prédécesseurs, ainsi qu'il faut suivre aussi leur voie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc, السابقون, les premiers, hein, donc ceux qui nous ont devancé, les premiers parmi les muhajirin et les ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis en toute beauté, Allah a agréé d'eux, et eux, ils ont agréé d'Allah. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voici donc la réussite qui est illustre, énorme. Voici la réussite qui est énorme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a agréé d'eux. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a agréé des premiers, et c'est un agrément qui est complet, qui est total. Il n'est pas muqayyad, il est total. Donc c'est un agrément, c'est pas un agrément sur certains points, et sur d'autres points on peut les changer. Donc ça veut bien dire qu'on doit les suivre totalement, dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont fait, et dans comment ils pensaient, comment ils croyaient. Donc c'est mutlaq, ça reste donc global, ça reste, c'est-à-dire total. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé d'eux. Et a bien dit qu'il a agréé d'eux, on sait que l'agrément d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est ce qu'il y a de meilleur que peut recevoir la personne. Donc il agrée aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont les suivre en toute beauté. Donc si tu veux l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux recevoir cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc suis les plus prédécesseurs. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, donc pour le contraire, lorsqu'il dit وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Certes, Celui qui fait scission avec le prophète après que la guidée lui a été parvenue et qu'il suit la voie d'autres que les croyants, donc on va le détourner sur ce dont il s'est détourné et aussi on va bien sûr lui placer donc le Jahannam et c'est une mauvaise demeure, c'est une mauvaise fin, c'est une mauvaise fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici ne les agrée pas, mais au contraire, il leur montre et bien sûr il leur dit que ils auront donc que celui qui suit, qui ne suit pas la voie des pieux prédécesseurs aura un châtiment douloureux, aura un châtiment douloureux. Alors que le verset auparavant, c'est le contraire. Celui qui va suivre la voie des plus prédécesseurs aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit deux versets qui sont totalement contraires, l'un avec l'autre. Parce que c'est les deux versets, on retrouve des conditions. Et ces conditions, c'est le suivi des plus prédécesseurs, le suivi des pieux prédécesseurs. Et parmi les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, donc la meilleure génération, c'est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Donc, Al-Khairiya, ici, qui a été donc attesté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, donc a bien été donc dimensionné où on le retrouve dans trois générations qui sont bien sûr meilleures. Ce sont les meilleures des personnes. Donc, il faut bien sûr à ce moment-là les respecter, leur donner leurs droits respectifs, ainsi qu'il faut bien sûr suivre leurs enseignements et suivre leur voie pour pouvoir justement acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a loués et les a vantés car ils avaient un suivi assidu et très fort dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 parties et les chrétiens se sont divisés en 72 parties. Et cette communauté va se diviser en 73 parties. Toutes seront en enfer, sauf une. Toutes seront en enfer, sauf une. Et ils dirent, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui, c'est-à-dire que, laquelle, ô envoyé d'Allah, il dit, celle qui sera comme je suis actuellement, ainsi que mes compagnons, Lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc, ma ana alayhi al-yawm, comme je suis actuellement, c'est-à-dire à ce jour, c'est-à-dire toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam ne doit pas changer. L'islam ne va pas changer ni dans sa croyance, ni dans ses actes, et ni dans ses paroles. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui va vivre après moi verra énormément de divergences. Il faut que vous accrochiez à ma sunna, ainsi que la sunna des Khulafa Rashidin, al-Mahdiyin, donc les successeurs bien guidés, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et accrochez-vous à cette sunna. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande bien de s'accrocher à la sunna, dans cette sunna, et mordez-y avec les molaires, et attention, et faites très attention aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est dans le est égarement. Donc il dit bien, sallallahu alayhi wa sallam, il commence dans ce hadith par citer des divergences, il cite des divergences. Et il montre directement, juste après, c'est-à-dire ce qui va, le remède de s'éloigner de cette divergence, le remède de pouvoir s'écarter de cet égarement, de cette divergence qui est appelée à la fin, bid'a et égarement. Donc il dit bien, accrochez-vous, donc suivez ma sunna, ainsi que la sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et accrochez-vous à cette sunna, et mordez-y avec les molaires. Et ça, c'est une façon de parler à l'époque chez les Arabes. C'était une façon de parler lorsqu'on dit mordez-y avec les molaires, afin de dire ne la lâche pas. Lorsqu'on mord avec les molaires, c'est quand même la partie qui est la plus forte, hein, qui est quand même la plus puissante vis-à-vis des dents, hein, donc vis-à-vis de dents. Lorsqu'on y mord quelque chose, on s'y accroche bien à cette chose. Et après, il prévient à la fin, sallallahu alayhi wa sallam, il montre le contraire en disant attention aux nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, ce sont l'ikhtilaf justement. Ça, les nouvelles choses, c'est l'ikhtilaf. C'est justement les divergences, c'est ça les nouvelles choses. Car toute nouvelle chose est innovation, et toute innovation est un égarement. Car tout ce qu'il y aura, est donc l'ikhtilaf, ou bien le bid'a, ou bien le muhdath, ou bien aussi le dalala, donc c'est comme si c'était un synonyme. Tout cela, ça a un rapport. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montre dans ce hadith, donc il montre justement donc le résultat, c'est-à-dire la guérison, ou comment le remède, comment s'éloigner de cela, c'est justement de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les paroles des pieux prédécesseurs, donc on y retrouve énormément de paroles de l'illustre compagnon Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est bien sûr connu pour être très assidu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les gens seront toujours, est-ce qu'il y a de l'eau? Les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils prendront la science des compagnons du prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ces grands, de ces grandes personnes, hein, donc les grandes personnes de l'islam. Car s'ils prennent la science des petits et qu'ils se divisent, hein, que leur passion se divise, ils vont périr, ils vont périr. Donc la solution pour pouvoir rester dans la vraie voie, c'est de prendre la science des grands savants. C'est de prendre la science des grands savants. Si la personne ne s'arrête qu'aux jeunes, qu'aux petits, et qu'on voit que ces petits sont en divergence avec les grands savants, en ce moment-là, on voit le résultat, c'est la perdition. Le résultat de cela, c'est justement la perdition. Et elle dit aussi, sallallahu radiallahu anhu, donc elle dit, celui qui veut suivre, si l'un d'entre vous veut prendre quelqu'un en exemple, donc qu'il prenne l'exemple de ceux qui sont morts. Car le vivant ne pourra pas, en vérité, tu ne pourras pas te protéger de lui contre la turpitude, contre la fitna. Et ces morts, ou la ika, donc on revient aux morts, ces morts, ce sont qui? Les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les plus pieux, les plus obéissants de cette communauté, ce sont les cœurs les plus obéissants de cette communauté. Ce sont eux qui ont les sciences les plus infuses. Ce sont eux qui ne réfléchissent le moins, dans le sens où ils se fatiguent le moins. Ils comprennent le hadith comme il le faut. Ils ne viennent pas commencer à philosopher ou à vouloir inventer ou à vouloir expliquer de façon très ambiguë les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont claires. Donc ils n'avaient pas de takallouf, la fil kelam. Ils ne commençaient pas à philosopher afin de pouvoir se perdre justement dans cette philosophie. Un peuple dont Allah subhanahu wa ta'ala a choisi afin qu'il soit compagnon de leur envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et afin de faire vivre cette religion, afin de pouvoir placer cette religion là où il le faut. Donc reconnaissez-leur leurs droits. Vous devez reconnaître les droits de ces compagnons et accrochez-vous à leur guidée, car ils étaient dans la guidée droite, car ils étaient dans la voie droite. Et encore, toujours Abdallah ibn Mas'ud dit, certes, nous suivons et nous n'inventons pas. Donc, Nartandi, c'est-à-dire nous suivons et nous n'inventons pas. Et il revient, il reprend, toujours avec un synonyme, mais qui veut dire nous suivons et nous n'innovons pas. Car nous ne serons jamais dans l'égarement si nous nous accrochons au texte. Si nous nous accrochons au texte, c'est-à-dire l'athar, donc les paroles qui nous sont parvenues. Et il dit encore, suivez et n'innovez pas, car il vous a été suffi. Ce qu'il vous a été transmis vous a été suffi. Ce n'est pas la peine de venir rajouter. Cela est largement suffisant. C'est complet, c'est parfait. Il n'y a rien à rajouter. Et Hudhayfa ibn al-Yémen aussi rapporte, radiallahu anhu, donc il dit, au peuple de ceux qui lisent, soyez droits et prenez la voie de ceux qui étaient avant vous. Car par Allah, si vous suivez, si vous allez les suivre, sachez qu'ils vous ont devancé, hein, de loin. Ils vous ont devancé, le peuple qui est avant vous, ils vous ont devancé de loin. Et si vous partez à droite, vous prenez le chemin de droite ou celui de gauche, sachez que vous allez vous égarer d'un égarement qui est lointain. Et Mujahid, rahimallah, dit, les savants, ce sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il mentionne l'ulama, il veut dire « Ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Et l'imam al-Awza'i dit aussi par cela la science, c'est celle qui a été donc transmise par les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si la science vient d'autre que cela, donc ce n'est pas de la science. Une science qui ne vient pas, qui n'a pas été transmise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas de la science. Et l'imam Ahmed a une parole qui va aussi dans ce sens. Et il dit aussi, l'imam Ahmed, rahimahullah, patiente dans la sunna. Donc patiente dans la sunna, et arrête-toi là où le peuple s'est arrêté, et dis ce qu'ils ont dit, et donc aussi, donc termine ou bien arrête-toi toujours par rapport là où ils se sont arrêtés, et suis le chemin de tes pieux prédécesseurs, car ils ne te sciaient que ce qu'ils ont fait, ils ne te sciaient que ce qui leur a scié aussi. Et il dit le Hassan al-Basri, rahmallah, dans une assise, et on citait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, certes, c'était donc les plus obéissants de cette communauté, les cœurs les plus obéissants de cette communauté, ainsi que la science, les sciences les plus infuses, donc les sciences les plus fermes, et toujours ceux qui se fatiguaient le moins, dans le sens qu'ils comprenaient comme il le faut, ils ne se fatiguaient le moins par rapport à ceux qui viennent philosopher ou autre, un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être compagnon de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et il leur ressemblait, il ressemblait au prophète Mohammed sallam dans leur comportement ainsi que dans leur voix. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient donc ils ressemblaient énormément au co-prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'ils l'imitaient à la perfection. Ils essayaient de l'imiter bien sûr à la perfection. Et car par le Seigneur de la Kaaba, ils étaient dans la voie droite. Donc ils jurent, ils étaient dans la voie droite. Et Abu Hanifa dit aussi, rahmallah, lorsqu'on demande à Abu Hanifa, on lui questionne, on lui dit, que dis-tu de celui qui innove dans la parole, c'est-à-dire vis-à-vis de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de l'arad ou al-jism, lorsqu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, ce sont des paroles de philosophes. Et revient au texte et à la voix des pieux prédécesseurs. Et attention à toute innovation, car c'est une bid'a. Car c'est une innovation. Attention à toute nouveauté, car c'est une bid'a. Et l'imam al-Awza'i dit aussi, tu dois suivre la voie des pieux prédécesseurs, même si les gens te refusent, même si les gens te rejettent. Et attention aux idées, ou bien aux ara, aux opinions des gens, même s'ils t'embellissent la parole, Car l'amr, c'est-à-dire la chose, éclaire, et toi, donc tu seras avec cette chose-là, c'est-à-dire l'amr, c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'amr, donc l'islam, c'est clair, et tu seras dans la voie droite. Et Cheikh Islam Utaimiyya dit, rahmallah, il est obligatoire pour tout musulman qui atteste que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, donc il est obligatoire pour lui d'avoir comme intention le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration sans l'associer en quoi que ce soit dans son adoration. Et il doit aussi suivre et obéir le prophète, son envoyé. Il doit obéir à son envoyé. Et il doit tourner là où il tourne. Donc il doit suivre le chemin. Donc il tourne là où il tourne. Il reste là où ils sont restés. Et il les suit là où il les trouve. Et qu'il sache que les meilleures personnes, les meilleures créatures après les envoyés, ce sont bien sûr les compagnons. Donc il est interdit de vouloir faire vaincre une personne, hein, de faire vaincre de façon totale et globale une seule personne, sauf la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de dire, moi je suis lui et je le défends du début à la fin, dans toute sa religion, comme s'il n'avait aucune erreur, comme si c'était l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intisar, tam, wa mutlaq, c'est que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est interdit de vouloir faire vaincre et de vouloir faire prévaloir un seul groupe, de façon totale, sauf qui, bien sûr, sauf le groupe des compagnons du prophète, radhiyallahu anhum ajma'in. Car ils étaient dans la guidée droite, ils étaient dans la voie droite, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils tournaient là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait. Ils allaient là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait. Donc on doit rester dans la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils l'ont fait. Et s'ils étaient unis, ils n'étaient pas unis dans une erreur. Ils étaient unis dans le vrai, dans la vérité. Contrairement à ceux qui vont suivre un seul savant. Contrairement à ceux qui vont suivre un seul savant. Ils auront des erreurs. Car ils vont bien sûr, car autre que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc peuvent, justement, s'ils vont s'unir sur une personne, ils vont s'unir sur des erreurs. Car tout ce qu'ils auront dit, c'est-à-dire en parlant de ceux qui vont suivre une seule personne, un seul savant, tout ce que ces gens-là, ceux qui suivent un seul savant, vont dire, vont bien sûr, sera différent de ce qu'aura dit les compagnons du prophète. Donc il y aura des erreurs, il y aura des erreurs. Et certes, la religion, c'est celle qui a été, donc celle dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et c'est, donc la personne ne pourra pas, c'est-à-dire tout accepter d'un seul savant. Ne pourra pas, donc pouvoir, c'est-à-dire tout accepter et se soumettre directement à un seul savant ou à ceux qui suivent ce savant. Et si la personne suit totalement un seul savant, alors c'est comme s'il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en ce moment-là, donc il aura aussi ressemblé à ce que font les Rawafid, donc ceux, les chiites, les Rawafid, lorsqu'ils disent que l'imam, il est ma'soum. Les imams chez eux sont donc exempts d'erreurs. Ils sont exempts d'erreurs. Ils sont ma'soumines. En ce moment-là, celui qui viendrait à suivre aveuglément un seul savant aura commis, ressemblera exactement à qui? Aux Rawafid qui disent que leurs imams sont ma'soumines, sont exempts d'erreurs. Donc il est obligatoire, donc, de savoir que les compagnons du prophète ainsi que ceux qui les suivent connaissent cela, connaissent que cela est véridique, c'est-à-dire la vérité qui a été venue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont connu cet islam avant quoi? Avant la venue des innovateurs. Ils ont connu la vérité avant que les innovateurs viennent. Ceux dont on a donné des noms, hein, donc on les a apparentés à des groupes, à des façons de faire, il a khélihi. Et il est bien sûr donc impossible que ceux qui ont pris de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'islam se trompent, font justement commettent des erreurs et se dévient de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui sera bien sûr contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera vain. Il sera vain. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'étaient pas comme ça, car ils le suivaient de la bonne façon, car ils le suivaient de la meilleure façon. Et ils n'étaient pas unis dans l'égarement. Donc il faut savoir que leurs paroles, lorsqu'elles étaient leurs paroles, donc qui sont véridiques, ont été prises de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et aussi, l'islam, leur islam ont été prises, donc, par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se divise et se sépare de leur voix sera bien sûr dans l'égarement. Donc, on a vu pour, succinctement, ce qu'est, donc, le salaf. Donc, on a vu les salaf ainsi que leurs valeurs, ainsi que les vertus des plus prédécesseurs. Et qu'est-ce que Al-Sunnah wal-Jama'a? La définition de Al-Sunnah wal-Jama'a. Donc, on voit que les savants, des fois, ils donnent comme définition Salaf, Salih, ou bien Al-Sunnah wal-Jama'a, ou autre encore. Et on retrouve chez les ulama, Al-Sunnah wal-Jama'a, deux sens. Un sens qui va être ras, qui va être donc plus spécifique, qui est donc. Donc, celui-là, c'est lorsqu'on parle justement par rapport. C'est un synonyme du mot salaf, c'est-à-dire Al-Sunnah wal-Jama'a, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tabi'in, et ceux qui les suivent, et ceux qui vont les suivre, et qui vont suivre bien sûr leur chemin, leur voie, et qu'ils vont être dans leur voie et dans leur guidée. Ce sont eux. Donc en ce moment-là, on va ressortir de cette définition, hein, de cette dénomination, tout groupe qui dévie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout groupe qui suit ses passions. Donc à ce moment-là, on comprend que la sunna, c'est muqabil al-bid'a. Donc elle va être, donc, hein, elle va être en contre, elle va être le contraire de la bida. À ce moment-là, on voit qu'on a un contraire. La sunna et la bida. Donc ressort de cette définition tous ceux qui donc commettent des bida, commettent des innovations, comme al-jama'a qui va être aussi contraire à al-firqa, le groupe qui va être le contraire justement à al-firqa, c'est-à-dire à la secte. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dans le tafsir de Yawm at-tabiyyad al-wujuh wa taswad al-wujuh, il dit donc s'illumine les visages des gens de la sunna et du consensus et se noircit les visages des gens de la bid'a, de l'innovation et de la division et de la secte, le firqa. Donc là on voit que vis-à-vis de cela c'est par rapport à la sunna ou bien par rapport à la bid'a. Et après il y a un sens qui est plus général, un sens qui sera plus général. Et là donc on va retrouver, donc il y a dans ce sens général, on va y retrouver quelques groupes de personnes qui sont malgré ça déviantes, qui seront des groupes déviants. On va retrouver des groupes déviants. Hein? Parce que مثلاً, ils ont dévié sur un ou quelques points du dogme. مثلاً, donc des points bien précis du dogme. Et pourtant, ils sont encore appelés communément Ahl Sunnah wal Jama'a. Ou aussi, car ils sont, c'est-à-dire, ils ne font pas partie de tels groupes, مثلاً, comme Rawafid. À l'époque, lorsqu'on disait les premiers, lorsqu'on disait Ahl Sunnah, donc c'était tous ceux qui n'étaient pas chiites, tous ceux qui n'étaient pas chiites. مثلاً. Parce qu'on prenait surtout par rapport à Al-Masael, donc les sujets des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on disait Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est tous ceux qui reconnaissent Al-Khilafa de Abu Bakr, de Omar, de Othman. Et aussi, donc par rapport à cela, donc on disait donc Ahl Sunnah al-Islam. Parce qu'à l'époque, les gens aussi les appelaient Ahl al-Islam ou bien Rawafid. Le fait qu'il est sorti, ceux qui les sortaient de l'Islam disaient Ahl al-Islam et les autres Ahl Rawafid. Donc entrée, sorte. Donc, Asha'ira ou bien d'autres, des groupes qui étaient à ce moment-là, même Al-Khawarij par exemple, donc ne faisaient pas partie de Rawafid. Donc, ils n'étaient pas sortis dans le sens qu'ils étaient partis des gens de la Sunna, même s'ils avaient des bid'ahs, même s'ils avaient des bid'ahs. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans ses définitions, lui dit que Ahl Sunna wal Jama'a, on veut dire par cela, par cette définition, donc celui qui a reconnu les trois. Donc, qui reconnaît donc les trois khulafa, les trois donc gouverneurs, c'est-à-dire les trois gouverneurs successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Ahl Sunna, les trois khulafa, en parlant bien sûr de tout le monde sauf Rawafid. Ou bien aussi, on a voulu dire aussi les gens du hadith et de la sunna pure, donc les gens du hadith et de la sunna authentique. Et à ce moment-là, donc n'entrera pas dans cette dénomination ceux qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque مثلاً, ils ont dit que le Coran مثلاً, hein, donc que le Coran est, donc, sera ou bien le contraire du contraire sera entré dans cette définition, sera entré dans cette dénomination ceux qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne disent pas que le Coran est créé. Ils ne disent pas que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vu, hein, ne sera pas vu fil akhira, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le verra Allah subhanahu wa ta'ala fil akhira. Ainsi que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissent le destin et autres parmi les bases des bases des gens de la sunna et du consensus. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah aussi par rapport à cela, donc par rapport à ces deux donc définitions. Donc il les divise succinctement. Donc si on devait résumer cela, donc la première partie, le premier qisme, la première partie des gens, c'est les gens de la sunna de façon générale, ce sont tous ceux qui ne sont pas rawafid. Et la deuxième partie, les gens de la sunna, donc khasa, bien spécifique, ce sont donc les gens du hadith. C'est ça. Donc ou bien ce sont les gens de l'islam sauf rawafid, ou bien ce sont les gens du hadith. Pour résumer. Les gens de la sunna, donc le dogme des gens de la sunna dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la sunna et du consensus croient et affirme ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna authentique, que ce soit dans l'affirmation ou que ce soit dans la négation. Ils affirment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé sur pour lui-même, et ils renient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est renié aussi, a renié pour lui-même. Donc, ils vont, bien sûr, appeler, nommer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé pour lui-même, ou dans le Coran, ou dans la bouche de son envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni ils en rajoutent, ni ils rajoutent quoi que ce soit, ni ils enlèvent quoi que ce soit. Et ils vont aussi affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils vont reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des qualités. Donc ils vont aussi, donc, ils l'appellent. Donc il y a le tasmiya. Donc à ce moment-là, il y a la dénomination. Il y a aussi l'ithbat, ils vont affirmer. Il y a l'affirmation. Ils affirment ce dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans altérer, sans enlever, sans dire le comment ou donner de semblant. Donc il n'y aura ni comment et ni semblant. Il renie aussi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est renié pour lui-même dans son livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant, tout en croyant réellement qu'il est bien sûr doté de qualités les plus complètes, qui sont totalement le contraire de justement de ses défauts, ou bien de ce qui viendrait lui amener à défaut dans ce domaine. Donc les gens de la Sunna du consensus ont dans cette porte, dans ce chapitre, dans ce thème, la voie, ils suivent la voie du Coran, de la Sunna authentique, et tout nom et toute qualité dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dont, qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala, ils le reconnaissent, ils l'acceptent. Ils le reconnaissent comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien sûr mentionné. Et aussi, ils renient tout ce qui va être contraire à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va être contraire au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et complet. Donc, ils vont renier tout défaut. Ils vont renier toutes ces choses-là. Et l'imam Ahmed dit, rahmallah, on attribue à Allah que ce qu'il s'est attribué à lui-même ou ce que l'a attribué son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et on ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit aussi, la voix des plus prédécesseurs ainsi que les imams, ils attribuent à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même, et ils attribuent et aussi ce que lui a attribué son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, sans altérer, sans enlever, sans donner de comment ou de semblant. Donc ils vont affirmer sans ressembler. Ils vont glorifier, hein, ils vont glorifier, c'est-à-dire ils vont l'exempter de défauts sans renier, et ils vont affirmer et reconnaître ses attributs, mais bien sûr ils vont aussi renier, hein, ce qui ressemble. Donc rien n'est égal à lui, ils vont le renier les ressemblants d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit, Laysa kamithlihi, rien n'est égal à lui ou rien ne lui ressemble. Et à ce moment-là, c'est un rod, c'est une réponse al-mumathila à ceux qui veulent dire qu'Allah a des semblants. Et après Allah dit wa huwa as-sami' al-basir, et c'est lui le voyant et l'audient. Donc à ce moment-là, c'est aussi une réponse à ceux qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bâtis sur deux bases. Elles sont bâties sur deux bases. La première base, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout attribut qui viendrait à lui faire défaut, qui viendrait à lui faire défaut, comme le fait qu'il s'endort, ou le fait de somnoler, ou l'incapacité, ou l'ignorance ou autre. Premièrement, on l'attribue et il est attribué, subhanahu wa ta'ala, donc de ses attributs les plus complets, les plus parfaits, sans qu'il y ait aucun manquement, sans qu'il y ait ne serait-ce que le moindre défaut dans cet attribut. Et ça, bien sûr, c'est khas, c'est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Donc, Laysa kamithlihi shay. Donc, ça, c'est un nafi. Il renie, c'est-à-dire le semblant. Lorsqu'il dit wa huwa as-sami'ul basir, il affirme qu'il est l'audient et qu'il est le voyant. Et aussi, wa tawakkal ala al-hayy, alladhi la yamut. Donc, on retrouve wa tawakkal ala al-hayy. À ce moment-là, il y a ithbat, il y a une affirmation, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, une vie qui est complète, parfaite. Elle l'a dit, la yamut. Donc il renie le fait qu'il meure. Il renie le fait qu'il meure. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lorsqu'il dit Allah al-hayy al-qayyum, ça c'est l'ithbat, il affirme qu'il est Allah, il affirme qu'il est le vivant, celui qui subvient de par lui-même. Et il renie lorsqu'il dit la ilaha illa huwa, nul dieu sauf lui. Donc nulle divinité en toute vérité sauf lui. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ne lui prend pas ni donc la somnolence ni le sommeil. Et ça c'est un nafi, il renie cela. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'affirme. Comment il affirme? Lorsqu'il dit yanzilu rabbuna azza wa jal hina yabqa thuluthul-layl al-akhir ila sama'id dunya. Allah descend, notre Seigneur descend azza wa jal lorsqu'il reste un tiers de la nuit au premier ciel, au ciel du dunya, de la vie d'ici-bas. Donc ça ithbat, c'est une affirmation. Allah descend, donc c'est une affirmation. Et aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi, donc toujours vis-à-vis de l'affirmation, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, il a écrit, donc le livre, qui est auprès de lui, au-dessus du arche, au-dessus du trône, et il a dit, Anna rahmati ghalabat ghadabi. Certes, ma miséricorde a prévalu sur ma colère. Ma miséricorde a prévalu sur ma colère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il a une miséricorde. Il affirme qu'il a une miséricorde. Il affirme aussi qu'il a une colère. Mais simplement la miséricorde, elle prévaut sur cette colère. Et vis-à-vis du nafi, donc le fait de renier, Allah dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc fa innakum la tad'una asam wa la ra'iban. Donc lorsqu'il dit, donc, c'est-à-dire, hein, arbi'u ala anfusikum, donc en vérité, parlez que pour vous-même. Lorsque tu fais du'a, ce n'est pas la peine de crier à voix haute. Donc lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Donc invoque pour toi-même. Car tu n'invoques pas un sourd, ni un absent. Ni un sourd, ni un absent. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science, il est donc près de toi. Par sa science. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science est partout. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. Il voit tout. Et ça c'est un nafi. C'est justement le fait de renier qu'Allah est quoi? Absent, et le fait de renier aussi qu'Allah est sourd. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah n'est pas borne, hein, par rapport à Messah Dajjal, par rapport au Dajjal. Hein. Inna Allah laysa bi'awar. Certes, Allah n'est pas borne. Donc, c'est une preuve qu'Allah n'est pas borne. Donc, ça, c'est un nafi. Ça, c'est un exemple de nafi. Et aussi, toujours par rapport au nafi, Inna Allah la yanam, wa la yanbari lahu ayyanam. Certes, Allah ne dort pas et ne lui sied pas de dormir. Donc, les gens de la sunna du consensus et du consensus, lorsqu'ils disent min ghayri tahrif wa la ta'til wa min ghayri takyif wa la tamthil. Donc, on va donner des exemples. Qu'est-ce que, dans l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a deux contraires. Elle a deux ennemis, deux contraires, qui seront la ta'til. Le fait de renier, hein, le fait de retirer quelque chose, le fait de dénuer quelque chose. Donc on va justement enlever cette chose. Donc elle va disparaître, elle va être amenée à disparaître. Ou bien tashbih ou tamthil, le fait de donner un semblant ou un exemple. Le fait de donner un semblant et un exemple. Donc il faut, pour justement, donc parmi les façons de renier cela, le fait de renier justement, hein, lorsque la personne a la retiré, elle a dénué Allah subhanahu wa ta'ala de ses attributs, donc bien sûr à ce moment-là il a menti. Il a menti sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a menti sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque la personne aussi vient vouloir à faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala ou bien lui donner un égal. Lui aussi il a menti dans son tashbih. Il a menti sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les gens de la sunna du consensus disent min ghayri tahrif wa la ta'til, c'est-à-dire ta'til, on va commencer par tahrif. Donc tahrif, il est au nombre de deux. On retrouve deux types de tahrif. Et tahrif, dans la langue arabe, c'est tahrir, changer. Donc tu as altéré, tu as changé. Ou tabdil, donc c'est tahrir ou tabdil. Tu auras changé ou remplacé. C'est ça tahrif. C'est le fait de changer ou le fait de vouloir remplacer quelque chose. Ou al-imala. Al-imala, c'est le fait de vouloir dévier. Donc il y a le changement, il y a le remplacement et il y a aussi la déviation. Donc, lorsque la personne, donc le, ça c'est dans la langue arabe, dans la langue arabe. Les shara'an, donc shara'an c'est le fait de dévier les textes hein, dans, de son vrai sens, dévier les textes de son vrai sens, ou bien par l'insulte directement de ce texte. Tan, c'est-à-dire de dire que ce texte, de mentir sur ce texte, d'en faire un grand défaut. Donc en vérité, c'est insulter directement en vérité ce texte. Ou bien par, c'est-à-dire éloigner ce texte de son vrai sens. Hein, éloigner ou dévier ce texte de son vrai sens en acceptant malgré ça, en acceptant malgré ça quoi ? Les paroles que l'on retrouve dans ce texte. Il ne renie pas que cela est bien écrit, que cela est bien écrit comme ceci, comme cela. Il ne renie pas que cela est écrit. Ce n'est pas par rapport à ça, mais c'est le sens qu'ils vont bien sûr détourner. Ils vont détourner le sens. Donc, dans le tahrif, on retrouve donc deux types de tahrif. Hein? Le tahrif, et donc il sera bilavd. On va changer, c'est-à-dire là, on va changer, donc on va changer ce mot-là. Le mot-là, on va le transformer. On va transformer ce mot-là. Comment ? Mathalan, on va le transformer où ? Par un rajout. Donc on peut le transformer par quatre voies. Il y aura quatre déviations, quatre voies pour transformer un mot. On le transforme par un rajout. Ou par le fait d'enlever quelque chose, ou par aussi le fait de changer les ponctuations, ou aussi... Hein, par, c'est-à-dire, donc on va changer donc les ponctuations à la fin, celles qui, c'est-à-dire par rapport à la grammaire, les ponctuations qui sont grammaticales, ou bien les ponctuations qui ne sont pas grammaticales. Parce qu'il y a celles qui sont grammaticales, donc à ce moment-là, le sujet peut devenir complément, ou le contraire, ou les ponctuations qui ne sont pas grammaticales, et en changeant ces ponctuations, c'est un autre mot qui vient à la place. Donc celle grammaticale c'est par rapport au placement, est-ce qu'il devient sujet ou verbe ou quoi que ce soit, actif, inactif et l'akhiri. Et parmi les exemples, lorsqu'on change donc le, on va donner l'exemple, donc le fait de changer l'arabe, donc la tout ce qui est grammatical, lorsqu'Allah dit wa kallama Allah Musa taklima, certes Allah a parlé à Moussa d'une vraie parole, et eux ils ont dit, ils n'ont pas dit wa kalam Allahu Musa, ils ont dit wa kalam Allaha. La Allahu, il est raf, marfou'. Hein, donc on voit bien qu'il est marfou'. Donc il revient à Allah, donc à ce moment-là, il revient à Allah, c'est Allah qui a parlé. Et eux, ils l'ont mis wa kalam Allaha, comme si c'était Moussa qui a parlé à Allah. C'est-à-dire que Allah qui était sujet, il devient le complément. Il devient l'inactif. Il était actif, il devient inactif. C'est-à-dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Ils ont juste changé une haraka, une ponctuation. La Dhamma, ils en ont fait une fetha. Donc ça, c'est un tahrif, yani, fil arabe. Donc ils ont dit, wa kalam Allah, c'est-à-dire, c'est Moussa, hein, wa kalam Allah. Donc c'est Moussa, bien sûr, qui a parlé. C'est Moussa qui aurait parlé à Allah. Alors que c'est Allah qui a parlé à Moussa. Mais simplement, s'il n'y avait eu que ce verset vis-à-vis du fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a parlé à Moussa, ils auraient pu tromper les gens, plus facilement. Lakin, qu'est-ce qu'il peut faire de cette parole lorsqu'Allah dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. À ce moment-là, ils ne peuvent pas changer. Ce n'est pas possible de dire وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ. Ce n'est pas possible. Impossible. Parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas. Donc il n'y a aucun changement. Impossible de venir justement changer comme c'était. Donc à ce moment-là, ils ont été coincés par rapport à ce verset-là, les a coincés. Hein, a fait de eux qu'ils ont en vérité, ils sont restés impuissants. Ils sont restés impuissants vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette réponse. Et lorsque Moussa est venu à notre station et que son Seigneur lui a parlé, il ne pouvait pas changer. Son Seigneur lui a parlé, il ne pouvait pas changer. Donc c'est contre, il pouvait par rapport à, tandis que le verset auparavant, il pouvait changer. La haraka. Là, à ce moment-là, ils ne peuvent pas. Un autre exemple, lorsque Al-Mu'attila, hein, donc ceux qui renient, parce qu'il renie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône, lorsqu'Allah dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le miséricorde est établi sur son trône, ils ont voulu changer en disant bien sûr, ils ont voulu changer comme quoi Allah justement donc n'est pas établi sur son trône. Il n'est pas établi sur son trône, sinon il ressemblerait à une créature, sinon ça serait un ressemblant à une créature. en disant, lorsqu'ils ont dit cela, donc ils ont voulu bien sûr essayer de changer. Ils ont demandé directement, ils sont partis voir les savants de la langue arabe, et ils ont dit Al Arshi. Donc il est majzoum, afan. Majrour, afan, il est majrour, bil kisra, il est majrour, bil kisra, parce qu'il y a harfujar, ala. Donc ils étaient voir les savants, ils ont dit est-ce qu'il est possible dans la langue arabe? Regardez, ils ont hum yartakhidoun. Ils ont un dogme et ils cherchent des dalils qui pourraient les intéresser. Ils cherchent après des preuves qui pourraient les intéresser. Donc ils ont dit, est-ce qu'il nous est possible que le majrour devient marfou' al-arsh ustawa. C'est que c'est l'arsh même qui est établi. Al-arsh, c'est comme s'il voulait dire ça. Ustawa. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le miséricordieux. Que c'est l'arsh tout seul qui est... Ce n'est pas possible. Alors, harfu jar, il est là pourquoi? À ce moment-là, la ma'na lahu, c'est une phrase qui n'est pas possible. C'est-à-dire que ça serait une grosse erreur de parler comme ça. C'est une grosse erreur. Donc ils essayent tellement, leur cœur est malade, qu'ils essayent même de changer, d'essayer de trouver s'ils trouveraient un savant qui viendrait t'arrendre halal, si on peut dire ça comme ça, le changement, ou bien moubah, c'est-à-dire le changement de la grammaire par rapport à cela. Deuxième type de tahrif, c'est le fait de changer le sens. Tahrif, al-ma'na, le sens. Et en ce moment-là, donc ils vont vouloir changer le sens qui lui sied, en lui trouvant un autre sens, en lui trouvant un autre sens. Donc, par exemple, toujours par rapport à l'istiwa, donc eux, ils ont dit istaola. Istaola, ça veut dire le fait de prendre de force, le fait d'acquérir, le fait de conquérir, le fait de prendre de force. Ar-Rahman, al-Arsh istawa. Donc ils ont dit istaola. Ils ont changé al-ma'na. Ils ont dit, ça ne veut pas dire comme quoi. C'est comme si Allah a conquéri le trône. Allah a conquéri, il a pris de force. Il a conquéri ce trône. Donc il change le sens. Et comme aussi il change le sens, lorsqu'Allah dit « Bel yadahu mabsutatan » Certes, ses mains sont larges. Ses mains sont larges. Allah donne avec largesse. Et eux, ils disent « C'est la ni'ma et la qudra. » C'est-à-dire donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce ainsi que sa capacité subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah dit par rapport aux magies, Waja'a Rabbuka, et ton Seigneur vient, eux ils disent, vient l'ordre de ton Seigneur, vient l'ordre de ton Seigneur. Donc ils changent à chaque fois. Ils ont voulu faire du bien, soi-disant, en reniant, ils ont voulu, soi-disant, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'exempter de la ressemblance envers les créatures en disant qu'ils ne marchent pas, qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ont dit que cela ressemble à la créature. Mais en vérité, ils se sont tombés sur ce qui est encore plus que cela, pire que cela. C'est-à-dire qu'ils se sont tombés dans un mal qui est encore plus grand. Donc, bien sûr, le tahrif, c'est madhmoum. C'est madhmoum. Et ça a été pris à l'origine des religions qui étaient avant, la religion de l'Yahoud. Ça a été pris, le tahrif, le changement qui a été en vérité pris de la religion des Al-Yahoud. Et bien sûr, entre eux, il y a encore des degrés. Entre les gens qui font le tahrif, il y a des degrés, car ils changent. Ils changent justement les sens. Donc, par exemple, ceux qui vont changer le mot est pire que celui qui va changer le sens. C'est-à-dire, pas pire de toutes les facettes, ou bien de toutes parts, ou bien de tous bords, mais il va être pire dans certains bords, parce qu'il a osé changer le mot complètement. C'est grave de vouloir changer un mot du Coran. Donc c'est pire que de vouloir changer le ma'na. Donc dans ce sens-là, dans le fait de oser, la personne n'a pas osé, par exemple celui qui change le sens, vis-à-vis du mot en lui-même, il n'a pas osé changer le mot. Il change le sens. Donc la personne qui change le mot, il est pire dans ce sens-là, par rapport au mot en lui-même. Mais ceux qui changent le sens sont pires que ceux qui changent le mot dans un autre sens. Dans un autre sens, parce qu'ils ont changé le ma'na. Et changer le ma'na, c'est aussi quelque chose de grave. Donc, de toute façon, en général, ceux qui ont changé, c'est-à-dire ceux qui ont changé l'avd, sont pires. Dans quel sens? Dans le sens où le fait qu'ils ont changé le mot, ils ont changé le sens aussi. S'ils ont changé le mot, automatiquement, ils ont changé le sens. Dans ce cas-là, à quoi ça servirait qu'ils changent le mot s'ils ne changent pas le sens? Donc, ils sont pires par rapport à ça parce qu'ils ont changé et le mot et le sens en même temps. S'il a changé le mot, automatiquement, le sens, il a été changé, il a été altéré. Il a été donc remplacé ou autre. Donc, il est pire en ce moment-là parce qu'ils ont non seulement altéré dans le mot et dans le sens. Et les gens qui ont changé le sens ont changé, altéré le sens, mais ont laissé le mot comme il est, comme il est. Donc ils sont meilleurs vis-à-vis de le fait qu'ils n'ont pas touché, ils n'ont pas osé toucher le mot. Ils n'ont pas osé toucher le mot. Et ceux qui changent le sens, donc ils ont voulu, ceux qui ont changé donc le mot plutôt, ils ont voulu par leur fausseté, par le fait de vouloir donc fausser les gens, donc ils ont changer et remplacer par un mot qui va les arranger eux, qui va bien sûr les arranger, hein, qui va bien sûr les arranger. Et pourquoi on a dit que ceux qui ont changé le sens sont pires, c'est-à-dire dans un point que ceux qui ont changé le mot complètement, car ceux qui changent les mots, ceux qui changent les sens, sont beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup plus de personnes qui altèrent, changent, remplacent les sens, hein, plutôt que ceux qui ont totalement enlevé les mots. C'est pour ça qu'ils sont pires par rapport au nombre. Ce n'est pas par rapport à la chose en elle-même, mais c'est par rapport au nombre. Ils sont pires parce qu'ils sont plus mauvais parce qu'ils changent énormément de sens. Il y a des gens qui vont changer 2-3 mots ou quelques mots, mais eux ils changent énormément de sens, donc ils sont pires vis-à-vis de cela, par rapport à cela. Donc on va s'arrêter là, et Inch'Allah comme ça, donc on reprendra par la suite, donc demain, sur Tartil et autres. On reprendra sur Tartil et autres. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je te laisse faire pour ça.